Carl Cox sur la DJ Radio pour une première partie plutôt house, très estivale et très dance floor, puisque c'est le dance floor jusqu'à, vous le savez, 1h du mat. Et puis à partir d'une heure, l'After FG avec Charles Schilling et Joachim Garraud. D'ici quelques minutes, deuxième partie du Global Mix de Carl Cox. Cette fois-ci, ce sera techno, croyez-moi. Club FG présente le dance floor. Club FG présente le dance floor. Going global. Coxy goes live in the mix. Welcome back to Global as we continue with this week's live set from New York City.

This one's for you. that's it for another week. Don't forget to check my website, carlcox.com, where you'll also find full gig dates and all the latest Coxy gossip. I'll be back same time next week when Valentino Canziani will be my guest. Until then, bye. Global sounds, global life, global music. What a night. Carl Cox Global. Club FG présente. Club FG présente le Dance Floor. This is Texas.